copains, le quintal en bandoulière. Dès qu'on se trouve, t'en as plein les sacoches. Et quand t'es brûlé, t'as la gueule à Mélanoche. Dès qu'on joue pour pot, t'en as plein les sacoches. Et quand t'es brûlé, t'as la gueule à Mélanoche. Tu dis, j'assure mieux au pieux quand la bœuf est bonne. En fait, t'as des tout petits yeux et la bite en bubblegum. Et puis,